Mercredi 26 septembre, 17h, 2xx2. Hier après-midi, je suis sorti en promenade. Rien de nouveau sous le soleil, ou plutôt, comme la veille, nous avons marché sous un ciel menaçant à lourd. Momo la Kayole est là, il y a aussi Ali le Comorien. En traversant la coursive, à 14h, je croise Jean-Marie. Le voilà tout affairé, et chargé de deux grands sacs qu'il pousse devant lui. Il m'apprend qu'on le déménage. Il n'était pas au courant, mais c'est comme ça. À midi on a venu lui dire de préparer son paquetage. On le déménage. Jusqu'alors ils étaient deux dans une cellule qu'ils partageaient avec Essa, le joueur de contrée à la barbe grisonnante. Mais depuis une semaine, un troisième détenu les avait rejoints. Dédé la fortune. À présent, lui a-t-on appris tout à l'heure, il y a incompatibilité pour qu'on les laisse ensemble tous les trois. Dédé. Dédé la fortune. Dédé est un très ancien débarqué il y a quelques jours. Peut-être est-il ici le plus ancien de tous. Je ne connais pas son itinéraire, ni encore moins les raisons de sa venue parmi les isolés. Et sans raison de son grand âge, ou bien par rapport à son état de santé. Je n'en sais rien. Je me demande s'il y a un âge pour la retraite en prison. Je l'ai rencontré dimanche dernier dans la cour pour la première fois, le surlendemain de son arrivée. Il était descendu avec Jean-Marie. Dédé ressemble à un retraité, souriant qui se serait égaré aux baumettes, par mégarde. Il est malade, très malade, nous apprend-il. Il espère une libération pour raison médicale, c'est prévu dans une loi, me dit-il, sur l'humanisation des conditions de détention. Il arrive d'un autre établissement pénitentiaire, peut-être Luynes, peut-être Salon, je ne sais pas. Il me l'a dit mais j'ai oublié. Ce n'est pas son premier séjour ici, au Baumettes. D'ailleurs, il connaît Jean-Marie. Ils ont déjà partagé la même cellule. De retour ici, il a demandé à être placé avec lui. L'administration a été assez bonne fille pour lui accorder ça. Mais à présent, c'est Jean-Marie qu'on déménage. L'état de santé de Dédé ira vite en se dégradant, quelques jours après, on apprend qu'il a été transféré au service hospitalier de l'hôpital Nord, où des chambres sont spécialement aménagées pour les détenus. Je n'ai plus eu, depuis, de ses nouvelles. J'espère qu'il n'est pas mort. Cela me confirme si besoin était, que les Baumettes ne sont vraiment pas un endroit où il faut tomber malade. C'est Jean-Marie qu'on déménage. Il ne pouvait plus rester dans la même cellule que Dédé et Assa. Incompatibilité, lui a indiqué le surveillant. Incompatibilité de quoi? Incompatibilité réglementaire. En effet, Dédé et Assa sont tous les deux déjà condamnés, ils effectuent ici leur peine de prison ferme. Jean-Marie, lui, est toujours prévenu, en détention provisoire. Mettre un détenu prévenu avec deux condamnés dans une même cellule, ne serait pas, semble-t-il, conforme au règlement. C'est ça, précisément, qui créerait incompatibilité. J'avance tout ceci sans en être vraiment certain, je ne connais pas le mélange minimum légal. Je côtoie ici quotidiennement des types condamnés à de lourdes peines. Ils partagent avec nous qui ne sommes encore que prévenus, la même cour, les mêmes couloirs, parfois la même cellule. Ici au deuxième Nord, condamnés et prévenus, nous menons la même vie. Nous apprenons à vivre ensemble. Leur expérience de la prison nous est très instructive. Ils sont nos instructeurs en quelque sorte. Toujours est-il que Jean-Marie aujourd'hui déménage, sans armes mais avec tous ses bagages. Je le vois, en pleine effervescence. Je le sens bien encombré avec ses deux grands sacs. Je le sens ennuyé aussi. Il quitte une cellule où il se sentait bien, et il ne sait pas à présent dans quel état il va trouver la prochaine, certaines cellules sont littéralement fracassées. Mais ce qu'il craint par-dessus tout, me dit-il, c'est de se retrouver tout seul. La solitude lui pèse plus que la compagnie de ses semblables. Nous échangerons juste quelques mots dans le couloir, lui sur le chemin de sa nouvelle pension, moi, en route pour la cour. Jean-Marie, ça tient toujours ta proposition de l'autre fois. C'est-à-dire, l'idée qu'on partage la même cellule? Oui, bien sûr. C'est d'accord. Tu peux faire un courrier alors. J'en ferai deux, un pour toi et un pour moi, je signerai à ta place. C'est ok. Jean-Marie fera, dès l'après-midi, deux courriers, un pour moi et un pour lui. Nous cohabiterons, pourvu qu'on nous y autorise. Il signera à ma place. S'il ne désire pas rester seul, moi, à tout prendre, je préfère sa compagnie plutôt que celle de je ne sais qui peut à tout moment m'être imposée. C'est étonnant d'ailleurs, que jusqu'à ce jour, on m'ait laissé tout seul. Depuis le départ de Patrick, je la trouve presque trop vaste ma cellule. Ça n'a pas tardé. Notre demande est satisfaite. On m'a annoncé tout à l'heure mon déménagement. Ça arrange tout le monde. Ça fera plus de place pour les prochains arrivants. À 13h30, je fais mes bagages. J'ai déjà plus de choses que quand je suis arrivée. Je récupère aussi toutes les affaires de ménage que m'a laissé Patrick, dont le toto pour chauffer l'eau. J'apporterai mon matelas avec moi, comme on fait son lit on se couche. Samy, l'oxy me file un coup de main. J'ai 30 mètres à faire, à peine 40. Adieu ma vieille cellule, bonjour la 2XX2. Bonjour Jean-Marie. Ma nouvelle cellule se situe tout au bout de la coursive, du même côté, côté cour. Les murs sont d'un bleu sale, d'un bleu comme un ciel mal lavé. Jean-Marie s'y est installé depuis la veille. Il s'est déjà choisi le lit du haut. Sans hésitation, je prends la couchette du milieu. Il a emménagé avec tout son barda, sa vaisselle et son équipage. Jean-Marie mène grande à roi. Il s'attelle à du bricolage. Il nous fixe immédiatement des ampoules supplémentaires pour donner un meilleur éclairage. Chacun aura ainsi une lampe de chevet au-dessus de sa couche, une autre éclairera le coin au-dessus de la table. Déjà, je perçois que le confort ici sera d'un autre standing. Je pose mon matelas, et je fais mon lit. Il y a même une petite taie d'oreiller que je récupère, et un bout de matelas mousse découpé, qui me servira de traversin. De son côté, Jean-Marie a apporté un tabouret. Avec les deux qu'il y avait déjà là, ça nous en ferait trois. La cellule est meublée de deux étagères de rangement et d'une vraie table, une table en bois où nous pourrons manger assis. Il a ramené plusieurs bouquins, qu'il a installés sur le meuble de la télévision, et ses revues de cheminots. Jean-Marie est un passionné de chemin de fer. Une cellule avec bibliothèque. Voir des livres me ravit. Je pense que je vais pouvoir me sentir bien ici. À part ces plus, qui semblent dérisoires mais qui changent la qualité de la vie entière, la cellule est pareille aux autres, mais en moins distrayeux quand même. Ici le WC et le lavabo tiennent au mur. Et la fenêtre, si elle n'est pas hermétique, ferme grâce à un bout de bois qui sert de loquet. Un grand plastique noir nous servira de drap d'intimité pour les chiottes. C'est bien un privilège qu'on nous accorde. Qu'on ait bien voulu nous loger dans une cellule en assez bon état au deuxième nord. Jean-Marie, au bout de seulement une journée, l'a déjà fortement marqué de son empreinte, et cela me va bien. Déjà il a tout ordonné et presque tout rangé. Concernant la télé, Jean-Marie et moi avons des goûts assez semblables, Arte, La 5 et Planète, et nous sommes convenus que le son ne serait jamais trop fort. Je pense que la cohabitation me sera mieux que supportable encore, profitable. Je dois faire, malgré tout, une concession importante, Jean-Marie est non-fumeur, il est asthmatique. Soit, je ne fumerai donc pas. De toute façon, actuellement, je n'ai pas de tabac.